Bonjour amis lions et bienvenue dans ce tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de mai 2023. Alors qu'en est-il? On va regarder cela ensemble. Quel est le message? Alors apparemment la coupe elle est un peu dure, elle indique des disputes, des sentiments extrêmes qui font que, on ne garde pas son sang-froid. Ouh là là, on va voir la suite. Puisque ça, c'est juste la coloration du jeu. Quel est le message de l'oracle de Béline? Pour les lions, pour les amours. Lion 2023. Pardon, il y a tout qui bouge. Ah oui, en effet. Je découvre hein, en même temps que vous, mai 2023 pour les lions. C'est ça, bon. Alors, donc à nouveau, je suis un peu obligée de parler aux célibataires et ensuite au couple. Apparemment... Eh bien, il risque d'y avoir, ou il va y avoir tout début mai, ou il y a pu y avoir dernièrement une dispute, quelque chose qui vous a déplu profondément dans votre couple, des difficultés importantes. Et le conseil ici, le message, il indique que vous devez faire appel à votre spiritualité, vous devez prendre de la distance avec vos instincts, avec votre passion intérieure et essayer d'être plus dans le recul en fait. Cela vous apportera du changement, de l'apaisement et une réconciliation. Voilà. Donc les couples donc qui ont des difficultés et qui peuvent aller jusqu'à une dispute importante devraient pouvoir se réconcilier si jamais vous parvenez bien sûr à faire appel à votre spiritualité, à votre maturité, à votre sagesse intérieure. Voilà. Et puis ben, pour les célibataires, c'est un peu pareil. Vous avez pu vous sentir bafoué dernièrement dans une relation qui n'en était pas une. Par rapport à cela, le conseil, c'est de vite chasser cela. De ne pas essayer de relancer la personne ou de ressasser cette histoire. Vous avez bien d'autres choses à faire. Pensez à votre avenir et vous allez trouver la paix plus vite et donc être prête beaucoup plus rapidement pour une nouvelle histoire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de mai.